Je rappe le réel et ça depuis des millénaires. J'ai le démon sur l'instru, j'ai mis mes nerfs. Il va leur dire que dans la coque, moi j'ai pas mis le nez plein de poussettes au bon matin. Ces bâtards m'ont mis le mof. Mille à mille, regarde le pélican. Il avait tout pour lui, regarde comme il est con. Je vais finir tout ce que j'ai à faire et je fous le camp. Je vais faire ma prison chez moi et mettre mon hélico. Combien de gens m'ont déçu? Un peu comme Lou, Jacques et la tonne. Ici c'est malsain, dangereux et nocif. Le boss un se plaint des gamins car les pneus crissent. Mineur assassin le matin vend des gros tirs. Ta faute de trois petits lassins, le fait pas le gros. Cause de la caille, là depuis Cayenne. Où sont les alliés? Qui sont les aliens? Le temps roule en Cayenne, ça veut tout pour hier. Classique tient nos jeunes frères, loin de la poudrière. J'ai commencé, j'étais bon qu'à ça. Quelques lyrics dans mes encassés. J'dansais le Mia sans les mocassins. Ghetto blaster chrome déclassé. Longue vie au piston, full Nike évitant. Tout le monde pousse couché, on le sait donc évitant. Le rap monte au citron, j'frappe dont on préfère qu'il remonte les litrons. Ancienne nouvelle école, y'a l'école. Pas de cadeau en K2, y'a l'école. C'est le jour J, jour de peine. Dealer J, rappé vite jour peine. Au charbon dans le blocard. Fais berda comme l'Alaska. Vite de schlag sans baraka. J'voulais des quiches tahaka. J'pas eu le bac comme un cave. Mais bon, c'est pas grave. J'leur ai fait fumer de la. Ils ont le cerveau en grève. Grandi dans le big pot, des fois j'change mic mac, pas dans le TikTok. 300 jeux de coq, en dessous du clic-clac, à côté du Glock. J'reviens de loin, mais tu sais pas toi. J'te râle aujourd'hui, j'connais pas à toi. Je suis en paix, c'est ça, on sent bien ce qui reste entre eux. C'est la sentence. Je suis en paix, c'est ça, on sent bien ce qui reste entre eux. C'est la sentence. On veut danser, mais nous du bon sang. J'ai le shit pour le cash, faut du chiffre, ah oui. Ça veut sonner un Lambo, Bugatti, Ferrari. J'ai jamais fait la pute ou le traître avec mes amis. J'appelle une vol ou deux, j'ai du quartier sous la cheveux. Là elle m'a scanné, je vais lui faire une tapade. J'appelle une vol ou deux, j'ai du quartier sous la cheveux. Là elle m'a scanné, je crois que je vais lui faire une tapade. C'était pas le vin de long riff. J'raconte la miséria. Le parcours semé d'embûches, déjà n'y a. Y'a du talent dans la rue. Y'a pas que des gens qui doivent être mis à l'arrêt. Souvent l'espoir il a disparu. Il revient avec une inspi de taré. Sous Marseille mon bébé. Capital du rap japonais. Un café bouger l'été. On se fera gamberger l'hiver. Un déclash sur le nunchaku. J'me déleçon, j'suis mignonne comme Pikachu. C'est pas facile de le quitter le quartier. Mais malheureusement ça t'envie quand t'y a tout. C'est pas beau, c'est pas joli. Heureusement que j'ai la mentale à Paoli. Il faut que je pense à ma gueule ahora. J'suis très organisé comme des bolis. C'est le rap et la rue, gros c'est RR. Si ils ont pu le faire, c'est que tu peux le faire aussi. Ils aiment même parler, mais je sais qu'ils le feront R. Ils vont manger du gros 46 comme Rossi. Que de la frappe légendaire, des flots tartassés. On met la balle dans le filet, même le goal aussi. Des gros pétards, des gros thermas bien tassés. Que ça lève bien main à varier mal aussi. Y'a des vendeurs et des vendeuses. Vie de journée pas forcément heureuse. De partout, y'a des vendeurs et des vendeuses. Traitement divers, selon ton pécule ou ton buzz. Si je fume la frappe, rano les parano. L'amour ne sera pas garanti par anneau. Y'a plus de sentiments, dur de dire qui amo. Peu d'émotions, toujours vénère sur piano. Y'a ceux qui parlent, y'a ceux qui font. C'est pas la même chose, il faut pas tout confondre. Ouais, ce n'est pas grave, c'est des bouffons. Qui jouent les cassos, soit les mecs qui parlent fort. Que mon mal qui s'en sorte, c'est l'essentiel. Pourquoi je t'affole, c'est que de la musique. Tu dis du bon son, viens à nos concerts. On est les plus forts, on a que des classiques. Simple, si t'es pas ben écoute pas. Artiste polyvalent, on pose dans la Zumba. C'est pas la première fois qui contrôle le combat. Pas la peine de faire le gros gros si t'assures pas. Simple, je vais pas bloquer que sur la boom bap. Le flow est de qualité, c'est la pure frappe. L'équipe est synchronisée comme les All Blacks. Tous les flows, on va neutraliser par le callback. Bam.